Un invité, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste. Une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée et mise en onde par Thomas Delafosse. Et la liste d'aujourd'hui est celle de... Thomas Jiménez. Ramón solo era un niño cuando su madre murió. Golpe a la por un relámpago, el mismo rayo le hirió. Años después en su casita, un malo fuego, un incendio también mató a su hermanita y en su cara otra marca dejó. Ramón Vila Cadevila, también llamado cara quemada, ha dedicado toda su vida a luchar por la libertad. Ramón creció y su camino le condujo a trabajar en la mina. Y rebeldía es el destino de quien solo conoció la miseria. Encarcelado y deportado por pertenecer a los huelguistas, él jamás ha abandonado sus convicciones anarquistas. Ramón Vila libertario, ejemplo de militancia, para su pueblo minero, símbolo de esperanza. Ramón Vila con heroísmo, cuando empezó guerra en España, ha combatido contra el fascismo, eso hasta el último día. Y cuando Barcelona cayó, tomó el camino, pasó la raya para vivir una vida de exilio, detenido en los campos de Francia. Ramón Vila, largo paso, extranjero sin papeles, por caminos va huido del campo de Argelés. Bonsoir Thomas Jiménez, Jiménez. Oh, comme tu veux, tu sais, Jiménez, Jiménez, c'est comme tu le sens. Bonsoir. Et bonsoir à toi. Vous êtes un enfant des années 80, enfance à Souesch, pas très loin de Saint-Gaudens. Grand-parents paternels républicains espagnols, arrivés en France avec la retirada. Vous êtes Thomas Jiménez, que l'on appelait dans les années 70 un chanteur engagé. Ah bon. Au départ, il y a eu Viracocha, vous nous en direz sans doute quelques mots tout à l'heure. Et puis, il y a eu également L'Air de Rien, le premier groupe dans lequel vraiment on vous a remarqué. Texte inscrit dans la réalité sociale du moment, sur musique rock et festive. Avec El Comunero, votre deuxième groupe, vous célébrez dans un premier temps la mémoire de votre grand-père, combattant républicain pendant la guerre d'Espagne. Le répertoire est fait de reprises de chants de lutte et de guerre, de la guerre civile. Puis, petit à petit, votre répertoire englobe les souvenirs des luttes d'Amérique du Sud pour arriver avec un cinquième album, Raíces y Semillas, qui vient de sortir et dont nous venons d'écouter la balada de Cara Quemada. Vous réussissez et vous commencez à accoucher de chansons originales abordant des problématiques actuelles, la violence policière, les misères sociales, la question migratoire, les solidarités pendant le Covid et puis aussi de larges invitations au rassemblement. Et c'est d'un coup tout un mouvement que vous créez, votre mouvement, votre histoire qui est créée par ce cinquième album d'El Comunero. L'engagement Thomas Jiménez, comme vous le rappeliez il n'y a pas si longtemps sur un texte que vous avez fait, que vous avez publié sur Facebook, vous l'avez découvert tout petit, lorsque par exemple vous accompagniez votre mère militante communiste dans sa distribution de tracts dans les boîtes aux lettres de votre village. Je suppose également que c'est votre engagement social qui vous fait éducateur spécialisé auprès de jeunes en difficulté à Toulouse dans les années 2000, alors que vous continuez à mener des activités musicales qui vous amèneront à monter le groupe toulousain L'Air de Rien. Et puis dernièrement, on vous a découvert écrivain. Un premier recueil de nouvelles, Une plongée dans le noir, chez M Plus Édition, écrit avec votre sœur, vient de sortir. Vous travaillez également à un roman se passant dans l'Espagne de la guerre civile, et depuis peu on peut vous lire sur Facebook racontant des souvenirs d'enfance qui feront sans doute l'objet d'un livre à venir. C'est dire si notre invité du soir fait feu de tout bois pour exprimer son ressenti du monde présent et passé. Des choses à rajouter, Thomas Jiménez? C'est impressionnant, je sais pas si c'est... J'hésite entre la fiche chargée et la nécrologie, mais je ne suis pas encore mort, donc je prends la première option. Oh, alors là, c'est peut-être moi qui vais râler. Je ne veux pas faire partie des RG. Non, mais en tout cas, ce que je dois rajouter, c'est que ce qui est marrant, moi, à chaque fois que je viens ici et que je te tutoie, hein, parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années maintenant, c'est que ce projet, le Comunero, c'est vrai que c'était beaucoup au départ des reprises et puis surtout des souvenirs aussi familiaux, parce que c'est des chants qu'on chantait en famille. Mais il y a pas mal de personnes, dont toi, qui nous ont poussé au cul à un moment à nous dire, mais quand c'est que vous composez, quoi, quand c'est que... Donc j'étais tout fier de venir avec cet album qui contenait enfin plus de compos que de reprises, de te le faire écouter, quoi. Et c'est vrai qu'on ne souhaite qu'une chose, que ça perdure. En tout cas, on est là pour écouter votre liste de 10 morceaux qui va nous permettre un peu de revenir sur un parcours qui commence à être assez fourni. Et le premier morceau de votre liste, c'est ce morceau-là. Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier. Je dormais comme un loir, les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication si je publie des noms? Combien de Pénélope forcément, Brassens, voilà. Forcément. Thomas Jiménez qui chante Brassens tout en l'écoutant dans le casque. Brassens, pourquoi en premier de votre liste, Thomas Jiménez? Parce que c'est les premières chansons que j'ai appris à chanter. Mon père était un guitariste amateur, mais surtout un grand fan de Brassens, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, depuis quelques temps, quelques années, il se met à se produire en concert, chose qu'il ne faisait pas jusqu'à maintenant. Il me concurrence. Et il chante du Brassens. Et c'est vraiment la première musique qui me reste dans mes souvenirs d'enfance, et puis les premiers textes que j'ai appris, même si je comprenais pas la moitié de ce que je chantais. Et puis même mes premiers passages sur scène, puisque régulièrement dans ces fameuses réunions militantes dont tu parlais tout à l'heure, quoi, puisque ma mère était donc militante PC, il sortait sa guitare, il chantait et on chantait du Brassens, quoi. Et c'est là que vous êtes monté pour les premières fois sur scène. Et ouais, et puis c'est surtout, mais je pense quelque chose qui est revenu bien plus tard, mais l'envie aussi à un moment donné dans mon parcours de revenir à une écriture en français, à des textes en français, et puis à mêler finalement... parce que c'est ce que fait Brassens, pas sur toutes ses chansons, mais sur pas mal de chansons, les idées politiques à la musique. Quoi. Brassens, que vous jouez aussi sur scène? Et ouais, que je joue aussi sur scène. On avait même fait avec un des compañeros de Comunero, Vincent Ruiz, un spectacle qu'on avait joué à 7, quoi, pour une asso qui s'appelle 22 Vla Georges, et qui, tous les ans, en fait, organise un festival Brassens où, pendant une semaine entière, il n'y a que des gens qui reprennent du Brassens. Et donc, on avait monté un projet à cette occasion-là. Et ouais, moi, ça reste une référence. Quoi. Ce qu'on écoutait à la maison, à part Brassens, c'était quoi? Alors, lorsque vous étiez jeune? Il y avait deux écoles, ma mère c'était Brel. Ah ouais. Et mon père, c'était Brassens, mais pas que. Mon père, il était aussi. Il y avait quand même ses racines espagnoles qui venaient déjà dans la musique qu'il écoutait. Il y avait beaucoup de Paco Ibáñez, il y avait du Louisiac, même si on n'est pas catalan dans la famille. Hein. Mais il y avait aussi ce côté-là, quoi. Et c'était pour moi l'essentiel. Les deux, quoi, si je dois en citer deux, c'est Paco Ibáñez et Brassens, qui finalement sont liés les deux. Hein. Oui. Paco Ibáñez a chanté du Brassens en espagnol, mais même dans la démarche, quoi, je veux dire. Il y a. Brassens a chanté les poètes français, Paco Ibáñez a chanté les poètes espagnols. On va pas en dire plus sur Paco Ibáñez parce qu'il me semble qu'il arrive à galopard. Je spoil. Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar. Voilà, Paco Ibáñez, a galopar. Chanson racontant la guerre civile. Ouais, poème aussi de Raphaël Alberti à l'origine, et qui est une, pour moi, un des plus belles hymnes antifascistes, parce qu'il est poétique, quoi, un des plus belles hymnes antifascistes que j'ai jamais entendu. On la reprend d'ailleurs avec Comunero. J'ai même eu l'occasion de la chanter avec Paco Ibáñez sur scène à quelques reprises. C'était incroyable. Et donc vous dites que c'était une partie de la bande de son de votre enfance, ça ? Ouais, complètement. Alors, c'est pas des choses que mon père jouait à la guitare, mais par contre, des 33 tours qui tournaient régulièrement. Ouais. Donc, je le disais en introduction, vous êtes d'une famille issue de la Retirada. Votre grand-père, dont vous avez longuement raconté l'histoire et célébré la mémoire dans les premiers albums d'El Comunero, était un combattant républicain égaré dans un bataillon anarchiste, d'où son surnom d'El Comunero, c'était le seul communiste dans ce bataillon anar. Donc vous êtes issu de cette histoire-là. C'est une histoire qui vous a beaucoup marqué enfant. Ouais, alors j'ai mis du temps à la comprendre parce qu'au départ, mon grand-père, il racontait surtout des blagues en fait. Quand il parlait de la guerre d'Espagne, on n'avait pas l'impression qu'il racontait la guerre, quoi. Il a voulu nous épargner, je pense. Alors déjà, il a vraiment pas raconté grand-chose à ses enfants, c'était un peu trop frais encore, je pense. Et puis, tu sais, quand on est immigré, on a envie que ses enfants s'intègrent le mieux possible et leur transmettre le moins de pathos possible aussi, je pense. Et du coup, ben, j'ai mis du temps à comprendre vraiment ce qu'était la guerre d'Espagne, quoi, puisque au départ, c'était surtout des vannes, quoi. Et puis, un beau jour, j'ai commencé vraiment, ben, au moment de l'adolescence, quoi, à m'intéresser un peu plus à l'histoire de la guerre d'Espagne, à comprendre ce qu'elle était, et à revenir vers lui, et même à l'enregistrer, et à lui demander de me raconter vraiment plus précisément ben, des épisodes plus douloureux qu'il n'avait pas forcément livrés, quoi. Avec votre village d'enfance, Souech, qui est pas très qui est pas très loin aussi de notre moment dramatique de la lutte des républicains espagnols contre le franquisme, avec cette opération la Reconquista, dans cette espèce d'essai de reconquête espagnole juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans le Val d'Aran, et c'est vrai que ça c'est un peu concerné tout le commun. Alors c'était un peu plus compliqué que juste une opération de reconquête. En fait, il y avait vraiment l'idée de réinstaller une zone républicaine, même si elle durait pas longtemps, au moment des négociations entre alliés entre vainqueurs de la guerre, pour pouvoir relégitimer l'idée d'une république espagnole. C'était pas juste l'idée d'une opération militaire et de reconquête. Il y avait aussi quand même cette idée-là de peser au niveau diplomatique, quoi. Et on a encore des traces de cette histoire à Toulouse, puisque l'hôpital Valsoria, Joseph Duquin, a directement été créé suite à cette opération Reconquista. C'est pas même suite, c'est pour cette opération. C'était l'hôpital de campagne. Et après, t'as raison, le Comminges était très marqué, puisque la base des opérations, c'était Montrégeau, donc à quelques kilomètres de Souech, quoi. De Souech. Wesh. C'est quelque chose aussi qui restait dans les souvenirs de cette zone du Comminges lorsque vous étiez enfant. Cet épisode de j'allais dire de la guerre d'Espagne, elle était finie depuis 6 ans, mais enfin cet épisode de reconquête. Non. Pas vraiment. Enfin, je veux dire, localement, moi, c'est pas au niveau du Comminges que j'en ai entendu parler de cette histoire. C'est après, quand je me suis penché dessus. Et même si maintenant, il y a de plus en plus d'associations, y compris au niveau comminjois, il y en a une en particulier, Memoria Exigio, qui milite pour que tous ces lieux retrouvent, en fait, cette histoire, quoi. Pendant longtemps, c'est pas des choses dont on parlait en Comminges. Vos parents, ils faisaient quoi dans la vie? Votre père était éducateur pas très loin de Souesch. À Aspé. Et votre mère? Elle était assistante manipulatrice en radiologie. Et très vite, c'est vos parents qui vous expliquent pourquoi c'est important de militer? Ouais, enfin... Alors mon père n'était pas forcément très causant et je pense que ben déjà lui il n'a jamais pris sa carte nulle part quoi. Et moi je suis un peu comme ça aussi et je comprends pourquoi il ne l'a pas fait. Et je pense qu'il ne voulait pas nous inculquer des valeurs, ça infusait quoi, par plein de moyens différents. Alors que ma mère elle avait vraiment un côté très militant quoi, elle loupait pas une réunion du parti, elle était très... Moi mes premiers souvenirs c'était gamin d'aller distribuer les tracts, poser des affiches avec elle hein, et du coup poser des questions quoi, sur ce qu'on était en train de faire et pourquoi on le faisait. Et pour finir un peu avec les personnages importants de votre famille, on sent que votre grand-père a eu une place très, très particulière et très importante pour vous. Ouais, puis il avait un handicap physique en fait. Quand mon père est né, peu de temps après en fait, il a eu un accident de moto et il était censé être paralysé, mais il était tellement cabezudo, tellement têtu quoi, qu'il a contredit tout ce que lui annonçaient les toubis et qu'il a réussi à récupérer un peu de mobilité, mais il est resté hémiplégique quoi. Ce qui fait qu'en fait on était obligé de faire la démarche d'aller le voir. Il était dans un fauteuil, il se levait pas trop, c'est quand il marchait c'était avec une canne et assez difficilement, et quand on rentrait dans sa pièce quoi, c'était un univers vraiment à part avec les jeux de société espagnols, le pachi, les cartes espagnoles, il nous filait des mantecao, des trucs comme ça, et puis surtout il adorait raconter des histoires quoi, alors au début des vannes, des blagues quoi, mais il y avait vraiment une espèce d'ambiance quoi particulière. Et puis quand on allait le voir, il fallait non seulement faire la démarche d'aller dans sa pièce quoi, et puis surtout d'essayer de le comprendre quoi, parce qu'il parlait une espèce de mélange de français et d'espagnol. Il avait beau être là depuis des dizaines et des dizaines d'années, il avait non seulement gardé la nationalité espagnole, il n'a jamais voulu prendre, contrairement à ma grand-mère qui a été naturalisée, il n'a jamais voulu prendre la nationalité française. Je crois qu'il avait encore en travers le camp d'Argelès, notamment. Oui, puisqu'il a été interné dans le camp d'Argelès après la retirade. Et du coup, ouais, il fallait faire cette démarche d'aller vers lui. Et puis, voilà, encore une fois, il adorait raconter, quoi. Et donc, c'était des longs moments qu'on passait avec lui. Et c'était, ouais, forcément marquant, quoi. Devuélveme mi pastorcita perdida. Punay, Punay, devuélveme mi pastorcita perdida. Pastorcita de la Puna, te extraviaste en noche mala. Pastorcita de la Puna, te extraviaste en noche mala. Mi voz te busca en el viento y en la Puna te reclama. Mi voz te busca en el viento y en la Puna te reclama. Puna y Puna. Voilà encore une des figures qui a alimenté la bande son de votre enfance, Atahualpa Yupanqui, chanteur argentin. Payador, voilà. Poète, magnifique guitariste, une voix exceptionnelle, quoi, et puis des textes, quoi. À tomber quoi. Et vous me disiez que quand vous l'écoutiez, ça continuait à vous faire frissonner. Ouais, complètement. C'est quelqu'un que j'ai jamais pu voir en concert. Je suis né trop tôt, ou il est mort trop tôt plutôt, je suis né trop tard. Mais bizarrement, ça, c'est pas quelqu'un que j'ai découvert en famille, tu vois. Ouais. Mon père avait des disques d'Atahualpa, je l'ai découvert plus tard, mais en fait, j'ai découvert ce bonhomme-là grâce à une prof d'espagnol qui s'appelait Madame Barrios. Ouais. C'était au collège d'Aspé. Mmh. Et c'était marrant parce que dans cette classe d'espagnol, il y avait beaucoup, à l'époque, quoi, alors c'est pas bien de dire ça, mais l'espagnol était réservé aux mauvais élèves. Moi, j'étais plutôt bon élève, en fait, à l'époque. Hein. Et du coup... J'étais un peu extraterrestre là dans cette classe où il y avait plutôt des mecs qui n'avaient rien à faire de l'espagnol. Ouais, à cette époque-là, la langue qui était courue, c'était l'allemand. Première langue. En Aspect, il n'y avait pas d'allemand. Ah ouais. C'était l'anglais pour tout le monde. Avec un prof d'ailleurs qui s'appelait Monsieur Saint-Raymond et qui roulait les R. Donc tu vois, je ne sais pas s'ils ont vraiment eu. Mais ouais, il y a ce prof d'espagnol qui m'a fait découvrir ben, cette chanson, Punay. J'étais en sixième, quoi, et ça a été une espèce de révélation, quoi. J'ai été complètement bouleversé par cette chanson. Et du coup, à plonger dans l'œuvre d'Atahualpa, ouais. Et puis à me rendre compte qu'il y avait les disques à la maison, quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que dans ces fameux cours d'espagnol, il y avait aussi un classique d'Atahualpa qu'on apprenait partout, c'était Duerme, Duerme Negrito. Et je me suis rendu compte de ça après. Ça, par contre, c'était une chanson qui était ma berceuse quand j'étais petit, et je savais pas que c'était de lui, on m'avait jamais dit que c'était de lui. Et en fouillant après dans Atahualpa, je me suis aperçu que tout était lié, quoi, que finalement, il était déjà là. Donc, si on a bien compris, vous avez baigné dans ce que j'appelais tout à l'heure la chanson engagée, cette forme très particulière de la chanson, que ce soit Brassens, que ce soit Ibanez, que ce soit Yupanqui, on baigne vraiment dans cet art de rendre poétique des revendications sociales. Oui, tout à fait, mais encore une fois, lié aussi à l'acte militant. Quoi. Pour moi, se dire chanteur engagé, c'est trop facile. Quoi. Non, mais vraiment, c'est pas ça, être un chanteur engagé, c'est faire des chansons engagées, c'est facile. Ce qui est plus compliqué, c'est de s'engager concrètement. C'est pour ça qu'il y a ce côté, ma mère, mon père qui m'a apporté le côté chanson, et ma mère qui était dans le militantisme pur et dur, quoi, j'ai envie de dire. Et moi, il y a beaucoup de chanteurs engagés, je ne citerai pas de noms, quoi, qui malheureusement n'en font qu'un argument, alors pas un argument de vente, ça serait un peu gonflé de dire ça, mais garde ça pour la scène, et c'est dommage, quoi. Je pense qu'il faut vraiment... C'est pas une histoire de légitimité, mais si on veut être cohérent, il faut aussi... pas s'arrêter à les écrire, quoi. Il faut les vivre, il faut le vivre, ce militantisme. Le fait que vous ayez choisi la carrière d'éducateur spécialisé à un moment donné, c'est aussi par rapport à ce besoin d'engagement. Ouais. Par rapport à ce besoin d'engagement, mais aussi parce que j'ai baigné dans une famille dans laquelle le social était quelque chose d'important. On a été famille d'accueil, par exemple. Tout petit, y avait quelqu'un à la maison. Puis même, ma mère a toujours un peu eu ce rôle-là dans le village, quoi. Dès que quelqu'un était en galère, on l'aidait, quoi. Et c'était normal, quoi. Il y a souvent eu, comme ça, des gens qui sont passés à la maison, qu'on a hébergé un temps, qu'on a aidé, alors qu'on n'avait pas forcément beaucoup de moyens non plus, quoi. Mais on a toujours eu cette pensée-là, quoi, dans la famille. Et bon, avec un père éduxpé en plus, forcément, on a un peu baigné dans ce milieu-là. Ouais. Moi, quand mon père partait en camp à l'époque, à amener des gamins faire du vélo ou partir, j'étais avec eux, quoi. Je partais avec eux. Mmh. Et du coup, oui, il y a eu une résonance par rapport à ce métier-là, ouais. Mmh. Avec des études faites à Toulouse ? Au CMA, ouais. Au CMA, à Bruguière, à l'époque ? Alors non, c'était à Saint-Simon, moi, à l'époque. Ah oui, d'accord. Ils avaient déjà déménagé à Saint-Simon, ouais. Mmh. Et ça m'a vachement appris, et pas vraiment qu'un métier, quoi. Ça m'a vachement appris en tant qu'homme, ces études au CMA. Il y a plein de formateurs qui ont réussi à me transmettre, au-delà de la vision qu'ils avaient d'un métier, ce que c'était finalement... Une conception d'éducation. Ouais. Ouais, je pense. Il y a encore des formateurs avec qui je suis en contact, quoi. Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule à qui ce soit que je m'adresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu. Les pouces mégots et les nez de bœuf, les ringards, les folques, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains, et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons, et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démagos dans leurs torchons que je n'irai jamais. Renaud c'est mort, il est récupéré. tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. Et là, on écoute un vieux Renault. Où est-ce que j'ai mis mon flingue? Ouais, parce que les nouveaux Renault, ils sont pas écoutables. Exactement. Où est-ce que j'ai mis mon flingue? Peut-être pas le plus connu de Renault, mais en tout cas, un des plus radical. C'est de la musique là, de votre adolescence? Ouais, enfin, il y avait un 33 tours, ben, hexagone, quoi, qui traînait à la maison, mais qui passait pas forcément beaucoup sur les platines. Et puis, en fait, à un moment donné, ben, pour mon cousin, notamment, qui avait un an de plus que moi, et moi, quoi, c'est devenu notre, même si j'aime pas ce mot, notre idole, quoi. Et puis quand moi j'ai commencé un peu à batailler avec une guitare un peu plus tard, quoi, ben, le plus facile pour commencer à apprendre à chanter et jouer en même temps, c'est pas Brassens, c'est trop compliqué, c'est plutôt Renaud, quoi. Et puis ça correspondait, il y avait vachement d'humour et tout qui me parlait, des mots moins compliqués que Brassens. Et ouais, ça a été pendant longtemps quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, hein, même si faut mettre personne sur un piédestal. À l'époque, j'avais besoin d'admirer des gens et ça en a fait partie. Il paraît que ça fait aussi partie du développement et de la construction d'un adolescent, d'avoir quelques idoles. La guitare, justement, c'est arrivé comment? Oula, alors si je raconte la vraie histoire, c'est compliqué. Eh bien, vaudrait mieux que ce soit la vraie, parce que... Écoute, c'est arrivé, je me souviens, hein, je le raconte d'ailleurs dans ces petits épisodes, tu l'as lu ou quoi? Évidemment. Ah, c'est pour ça que tu me branches là-dessus. Eh bien oui. Écoute, c'est arrivé un moment où... moi, j'ai toujours été branché musique, hein. J'avais un clavier Bontempi là, sur lequel je m'exprimais en essayant de pomper d'oreilles, parce que j'ai pas pris de cours, quoi. Même encore aujourd'hui, ça s'entend sûrement, mais je prenais plaisir, même avec la flûte à bec au collège, tu vois, à repiquer d'oreilles plein de trucs et aller jouer. Et un jour, mon père a eu une idée de m'offrir une guitare, sauf qu'à l'époque, moi, j'étais fan de Rocky Balboa, et je voulais être costaud, puisque j'étais tout maigre, quoi, tout flinguette, quoi. Et en fait, moi, j'avais commandé un punching ball vraiment, on ne pouvait pas faire plus explicite, quoi. Et je vois arriver, en fait, je me rappelle, hein, de ce Noël-là, un étui à guitare. Je suis persuadé qu'il y a dans cet étui à guitare un punching ball. Et quand il ouvre, ben, il y a une guitare, quoi. Et il me dit, c'est ta guitare. Et du coup, cette guitare, elle est restée dans un coin pendant des années. Mais vraiment des années, quoi. Et je refusais catégoriquement d'y toucher, quoi. Et c'est quoi qui donne envie de ressortir la guitare de l'étui? Eh ben, c'est le hard rock. Ah ouais. C'est au moment où j'ai peut-être 13-14 ans, ce cousin là dont je te parlais tout à l'heure, Samuel, qui commence à me faire écouter des premiers disques d'ACDC, tout ça, et je dis, mais en fait c'est génial la guitare, on peut aussi faire autre chose que du Brassens ou du Renault. J'ai commencé par Renault parce que j'avais pas le niveau pour commencer par les solos de Angus Young ou tout ça, mais c'était dans l'idée quand même de à un moment donné choper une guitare électrique et faire pareil que c'est la musique que j'écoute à l'époque. Parler d'ACDC, justement, les voilà, c'est votre premier démarquage de la bande de son de votre famille, ce style de groupe et ACDC en particulier. Ouais, complètement. C'est pas du tout un truc écouter mes parents. D'ailleurs, au début, ça allait gonfler, quoi. Quand je mettais ça trop fort ou que je m'escrimais à essayer de reproduire les riffs à la guitare, je pense que c'est un peu déçu mon père à l'époque. Mais écoute, il faut bien suivre sa route à un moment. Mais il y avait, alors même si ACDC n'est pas un groupe engagé, quoi, il y avait quand même ce côté, ce son puissant, quoi. Ce côté, je pouvais pas être boxeur, fallait que je retrouve un peu de. Ça m'a donné de la force. De niaque. Ouais, un peu de niaque, quoi. Il y avait ce côté hyper énergique, hyper prenant, qui te donne envie de sauter partout, quoi. C'est vrai que dans votre univers, le rock est très présent. Il y a des morceaux d'El Cominero qui sont des morceaux punk. On va le dire comme ça. Par contre, peu de traces de blues, par exemple, dans ce que vous composez. C'est vrai, j'attends d'être un peu plus vieux. Non, non, il y a effectivement, il y a peu, mais c'est aussi d'une musique que j'apprécie. Bah, CDC, il y a quand même des racines blues, évidemment. Ah, ben, le hard rock, c'est quand même construit sur des grilles de blues. Ouais, ça, moi, ça, par ça, exemple, je suis un grand fan, je crois pas que je l'ai mis dans la liste, et j'aurais dû, il faut bien choisir 10. Mais Jimi Hendrix, tu vois, moi, ça a été un mec que je continue à écouter, et là, Jimi Hendrix, même si certains bluesmen disaient que c'était pas un bluesman, mais si, évidemment c'est que blues. C'est un bluesman, quoi. Et c'est magnifique, quoi. Cette musique électrique, dont vous disiez que c'était votre cousin qui vous l'avait fait découvrir, ça a été aussi l'occasion à partir de là de commencer à monter des groupes dans le garage familial. Alors c'était pas le garage familial, pas de suite. Par la suite, j'ai eu droit à mon coin pour répéter. On répétait dans la maison de la maman du batteur. Au début, Viracocha était un trio. On était trois copains de lycée. On a commencé à s'escrimer sur les tubes rock de l'époque, quoi. Alors pas AC/DC, plutôt à l'époque Metallica, des choses comme ça, mais c'est les premiers morceaux sur lesquels j'ai bataillé en groupe, quoi. Découvrir ce que c'était de jouer à plusieurs, quoi. Vous aviez quel âge à peu près à cette époque-là? Écoute, c'était la période troisième, entrée au lycée, quoi. Donc ça fait quoi, ça? Ça fait 15-16 ans, 15 ouais, ans. Voilà. 15 il a ans. Fallu batailler un peu pour arriver à les passer, ces morceaux. Hein. Et c'est les premières scènes? Avec ouais, très vite, hein. Même avant de savoir jouer correctement, on était déjà sur scène à l'époque. Hein. Et puis il y avait en commun, en plus, plein d'endroits où jouer et puis plein de groupes, quoi, sur lesquels nous qu'on allait voir en concert, ouais. Notamment un groupe de reprise là, de hard rock qui s'appelait Hades à l'époque, hein, qui tournait beaucoup, un groupe de punk aussi, à Swash même, quoi, c'était incroyable. À Swash, un groupe de punk qui s'appelait Les Fumiers. Et c'était des gens plus grands que nous, mais on était là en bas de leur local de répé à les écouter et tout, et à les voir sur scène et tout, et très vite, eh ben, on a voulu faire pareil. C'est quoi l'ambiance des concerts à cette époque-là dans le Comminges? Ah ben, y en a tellement pas non plus toutes les semaines que quand il y en a un, c'est de la folie, quoi. Ouais. On saute tous partout, on pogote, on slam, comme si on était au Palais des Sports ou je sais pas où, tu vois, un concert. Et puis surtout, une espèce de sentiment d'appartenir à une communauté, quoi, qui n'était pas forcément très bien vue ou très, comment dire, intégré au reste des gens dans le lycée ou dans cette espèce de sentiment d'appartenir à un clan. Et y a un début de reconnaissance justement pour l'adolescent que vous êtes à ce moment-là dans le lycée, avec le milieu que vous fréquentez à ce moment-là. Ouais, et puis ben le mine de rien, on a quand même dans cette formule à 3 là, on a quand même pas mal écumé le Comminges, quoi. Dès qu'on nous disait tu veux jouer, on disait oui, quoi. Donc forcément au bout d'un moment vous étiez connu. Il y a des gens qui localement, hein, n'exagérons rien. Mais ouais, assez vite puis même tous ces gars-là qui étaient plus âgés que moi par exemple, dont je te parlais tout à l'heure, ils nous ont pris dans leur famille, quoi, assez vite, quoi. Même si on n'était pas leur milieu. Noir Désir, Tostaki, Noir Désir, pourquoi l'avoir mis dans votre liste? Vous disiez tout à l'heure que c'était difficile d'en choisir 10 et celui-là il y est. Parce que ça m'a fait me rendre compte qu'on pouvait faire du rock et chanter en français. Là, Tostaki, c'est quand même un hymne. Il chante même en espagnol. Alors pour le côté espagnol, ça je m'en suis rendu compte avec un autre groupe, hein, que je crois pas avoir mis dans la liste. Je l'ai fait il y a un petit moment, je me souviens plus trop. Mais il y a La Mano Negra ou pas? Non. Bon, mais voilà. À la même époque aussi, j'écoute beaucoup La Mano Negra. drap, etc. Et je me rends compte qu'on peut chanter en français, qu'on peut faire du rock en faisant autre chose que de l'anglais ou du yaourt, quoi. Et ça, pour la suite, c'est important pour vous. C'est vraiment ce qui vous lance dans l'air de rien ou qui... Non, dans une autre époque de Viracocha où on laisse un peu tomber le côté reprise de groupe de métal et où on essaie de trouver notre style à nous, où je commence à écrire des textes et où je commence à écrire déjà en espagnol, d'ailleurs avec déjà une chanson qui parle de mon grand-père à l'époque, quoi. Et en français, quoi. Ah ouais, d'accord. Et ça, je me disais, Noir Désir, quel rapport vous avez encore avec ce groupe ? Alors, je ne parle pas de connaissances, je ne sais pas si vous les avez rencontrés. Ils jouent avec nous sur un album, sur Sigue Luchando. Ah, mais c'est vrai ! On a eu le plaisir d'avoir basse-batterie Il y a le batteur qui est... Et même sur scène, ils ont été sympas. Les fois où on a joué sur Bordeaux, ils sont venus jouer quelques morceaux avec nous, et c'était... C'était un grand moment pour moi. C'est un groupe qui vous a accompagné longtemps ? Ouais. Noir Désir ? Ouais, là, je crois que je connais par cœur, en guitare chant, les trois premiers albums, voire plus, quoi. Ça a été, une espèce d'exutoire aussi, à un moment, de pouvoir chanter en français et garder cette énergie rock, quoi. Avec le drame qui s'est passé autour de Noir Désir et l'assassinat de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, c'est quelque chose aussi qui, à un moment donné, vous fait réfléchir un peu sur le milieu ? Ouais, effectivement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si là je l'ai mis dans la liste et je comprends ceux qui vont voir Bertrand Cantat ou quoi, je suis pas non plus tombé dans l'extrémisme inverse. Je pense que quand on a fait une connerie et qu'on a fait de la tôle, même si le geste est impardonnable, abominable, etc., on peut pas empêcher à quelqu'un de faire des concerts, quoi. Les gens, ils ont le choix d'y aller ou pas. Mais je pense aussi, enfin moi en tout cas personnellement, je peux plus écouter. Il y a quelque chose qui s'est cassé, quoi. Now if I had the courage, I'd pour into your jar all the things that I have heard you whisper in the dark. And when that jar was heavy with your honeyed confidence, I'd put it to my lips and drink its meaning and its sense. Its meaning and its sense. It has no end, so let's pretend it's now. Let's get started now. Let's get started now. Oh, now. Oh, now. Oh. Donc là, on écoute No Means No. No Means No. Celui-là, va falloir quand même que vous nous en disiez trois mots. Moi, ceux-là, je ne les connaissais absolument pas. Ben, ils n'ont pas ils ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient. C'est un groupe qui était un peu extraterrestre, quoi, dans le milieu du métal ou du rock, ou je sais pas comment dire, quoi. Parce que bon, là, le morceau qu'on écoute est assez... J'allais dire d'inspiration assez folk. Ouais, mais quand tu te penches un peu plus sur leur œuvre, il y a des trucs complètement barrés, des trucs improbables, quoi. Moi, la plupart de mes copains métalleux, pour eux, c'était inécoutable, quoi, tu vois. Et vraiment, l'idée qu'il faut un peu s'ouvrir, quoi. Arrêter de rester dans une espèce de purisme, là, à vouloir faire un rock qui doit correspondre à certains canons et puis se permettre de partir sur plein d'influences, sur plein de bruit, parce qu'il y a plein de bruit aussi dans leur musique. Ça m'a fait énormément penser à Violent Femmes, un groupe des années 80 qui était très punk, mais qui avait du banjo dans ses bandes de son, qui faisait même venir des musiciennes du Newgrass, cette nouvelle façon de faire du bluegrass. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, ce No Means No. Et puis moi, c'est des souvenirs de concert, surtout. Je crois que c'est un des groupes que j'ai le plus vu en concert, quoi. Ils ont arrêté, ce que je te disais, Antenne, quoi. Ils ont arrêté de tourner il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont passés plein de fois sur Toulouse, même si c'était pas dans des énormes scènes et tout. Mais justement, tant mieux, quoi. Et à chaque fois, c'était une grosse baffe, quoi. Même quand ils avaient peu de temps avant d'arrêter, je les avais vus à, comment s'appelait cette boîte de nuit au Ramier, là? Oui, Oui, ça viendra. Celle-là, là. Ouais. Celle-là, ouais. Ils avaient 50 balais et des bananes, tu vois, même peut-être un peu plus, je sais pas exactement. Le ramier, tout simplement. Le ramier. C'est ça, on est nuls. Hein. Et c'était une wash incroyable, quoi. Mais alors que c'était un trio, déjà. Ah, ouais. Et qu'ils avaient, je te dis, un certain âge, quoi. La scène, c'est important pour vous? Vous dites que vous allez beaucoup voir de concerts. Ça reste un moment important pour vous? Ouais, alors tu veux dire quoi? D'aller voir des concerts ou d'aller voir des concerts d'abord scène? Et après, on parlera de monter sur scène. Ouais, d'aller voir des concerts. Ben, moi, à l'époque, j'habite à Souesch, quoi. Donc, dès qu'il y a un copain qui va voir un concert et qu'à la bagnole, tu vois, c'est une occasion de partir, de sortir et d'aller à Toulouse. Je suis même allé voir des concerts de groupes, hein, soit que je connaissais pas, soit que parfois, j'aimais pas forcément, quoi. Mais c'était la bonne occasion pour. Pour se retrouver ensemble, écouter de la musique. Ouais, et puis là, l'espèce de petit clan qu'on s'était constitué, il devenait vachement plus énorme, quoi. Ouais. On se retrouvait à l'ancien Bikini, au milieu de plein de gens, ou à, comment s'appelait la salle à portée sur Garonne, là, le Confluent. Le Confluent. Tu vois, et où on se rendait compte qu'on n'était pas, finalement, qu'on était nombreux, quoi, et qu'on était beaucoup à aimer cette musique-là, quoi. Et le moment de monter sur scène, c'est le summum pour un musicien? Écoute, le moment de monter, c'est toujours aussi compliqué pour moi, quoi. Je suis pas spécial, c'est marrant, hein, parce que c'est paradoxal, mais je suis pas un showman et tout. J'ai toujours et le track et cette espèce de retenue. Ouais, mais en même temps, une fois que j'y suis, eh ben le temps il s'arrête, quoi, et ça devient un truc complètement magique, quoi. Et il y a plein de choses qui s'envolent, quoi. C'est quoi? C'est l'énergie qui est renvoyée par les gens qui vous écoutent, qui vous transportent? Ouais, et puis surtout cette magie quand on est tous ensemble là et quand il se passe un truc vraiment que tu te retrouves à avoir. Un sentiment fort, quoi, éprouver un truc, et qu'il y a cette espèce de magie qui opère où tout le monde est dans la même... Je parle pas forcément que du public, mais vraiment de ce qui se passe au niveau du groupe, quoi. D'arriver à trouver le truc, quoi, qui fait qu'on est ensemble, quoi. Et où, du coup, c'est pas une somme d'individualité, c'est des trucs qui te dépassent, quoi. Et c'est vrai que, blague à part, et on revient encore au militantisme et à cette idée de groupe. Et ouais, tu vois, voilà. Et même quand j'ai essayé, bah, tu vois, quelques temps après, alors là, on passe un peu dans le temps, mais quelques temps après, ce groupe de lycée qui s'appelait Viracocha, donc, était un trio. Moi, très vite, je suis un peu mal à l'aise avec le rôle. Je n'ai jamais été un guitar héros, donc j'intègre au groupe un copain guitariste hyper balèze. Je lâche le chant et je fais venir un copain. Et quand je dis je fais venir, c'est parce que c'est moi qui dis aux autres, non, mais vous ne voulez pas qu'on prenne un vrai guitariste, quoi. Non, mais vous ne voulez pas qu'on prenne un vrai chanteur. De plus en plus à m'effacer, mais à continuer à composer, à écrire pour ce groupe-là. Mais le côté... Sideman, tu vois, enfin le côté des deux, hein, j'étais pas à l'aise avec ça, quoi. Et puis je me dis, alors tu vois, un peu, on va revenir un peu sur l'histoire de l'éducateur. Je me dis à l'époque, pourquoi pas essayer de faire quelque chose dans la musique, mais j'ai tellement pas confiance en ce que je peux faire, dans mon niveau, etc., que je me dis, il faut que j'assure mes arrières. Et je commence à me dire, ben. Pourquoi pas éducateur, quoi. Et puis pour moi, ça résonne avec non seulement l'histoire familiale, mais aussi avec le sens que j'ai envie de donner à ma vie, quoi. Et je fais mes études d'éduc, le groupe Viracocha continue à tourner, et puis au moment de sortir notre premier album, ça coïncide trop bien, puisque moi, dans ma tête, ça fait un an que je bosse en tant qu'éduc diplômé, donc je décide de me mettre au chômage pour me consacrer à ce groupe, quoi. Et là, le groupe split, et je me fais virer du groupe, quoi. Et là, c'est là, je me dis, mais putain, mais ça y est, c'est fini, je fais plus de musique, c'est terminé, quoi. C'était une alchimie qui marchait, mais qu'est-ce que je peux faire tout seul, quoi. Et là, un peu de rage, quoi, ou je sais pas comment dire. Je contacte le mec chez qui on a enregistré l'album de Viracocha, qui s'appelle Laurent Yves, qu'on a croisé tout à l'heure, tous les deux, dans la manif. Dans la manif. Et je lui dis, écoute, dans un mois, là, je viens chez toi. Et j'enregistre. Il me dit, mais t'as écrit des chansons? J'ai dit, non, pas encore. C'est pour ça que je te dis dans un mois. Pas encore, mais dans un mois, c'est bon, j'aurai des chansons, quoi. Et puis là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Et puis, je me repenche dans un peu toutes mes influences et je me dis, bon, déjà, avec une guitare tout seul, ça va être compliqué de faire du rock, quoi. Ça limite le son, oui. Et je me dis, et puis même quand j'écris, en fait, je me dis, mais non, mais je vais revenir à la chanson française, quoi. D'où la naissance du groupe L'Air de Rien. We'll be right back. toxic. On revient au rock avec les Pixies, groupe. Ah non, Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, n'importe quoi. Groupe important pour vous, ce. Ouais, parce et que. C'est ce son aussi. Ouais, ce son qu'on n'avait jamais entendu avant, quoi. Et cette espèce de fusion non seulement musicale, mais aussi entre moi, deux choses qui me passionnent, quoi. À l'époque, quoi. Je suis allé trop vite en parlant de l'air de rien, j'aurais dû attendre un peu. Mais le côté, les groupes de rock de l'époque, ils brillaient pas spécialement par leur engagement politique ou par leur texte, quoi. C'était souvent des poncifs. Hein. Et là, il y a tout, quoi. Il y a à la fois l'énergie, le son qui est nouveau, quoi, et l'engagement politique, quoi. C'est tu te rappelles le premier album de Rage Against the Machine, c'est le Che qui est mis en avant sur les t-shirts, etc. Et puis surtout les textes qui vont avec. C'était pas que la figure du Che qui était mise en avant. Les textes étaient. Mais moi, c'est encore un groupe que j'écoute. Hein. Je trouve ça toujours aussi bien. Quoi. Et c'est vrai avec une critique du capitalisme, de la production, de la société qui va avec. Ça ne pouvait que me plaire. C'est vrai. En même temps, il y avait Red Hot Chili Peppers et on était, si on était dans les mêmes sonorités, on était vraiment dans un autre univers. Allez, prochain morceau de la liste de Thomas Jiménez. Hope everything is alright. Hope everything is alright. Les Pixies, c'est les bons. Pourquoi les Pixies dans cette liste? Et là, on est plutôt sur un rock plus indépendant, j'allais dire. Ouais, bah parce qu'il y a quand même une espèce de particularité par rapport à tout ce que j'écoutais avant. C'est un peu comme No Means No, même si ça n'a rien à voir musicalement. Quoi. C'est un peu l'idée de s'ouvrir un peu à d'autres choses que le hard rock pur et dur, le thrash et le côté très sectaire qu'on pouvait avoir à cette époque en disant non, moi j'écoute que du métal. Des grosses guitares et tout, là il y avait autre chose quoi, qui se passait. Et je sais pas pourquoi, c'est un groupe qui m'a parlé, qui me parle encore. Hein. C'est le cadeau de Noël que j'ai fait à ma fille cette année, c'était deux places pour les Pixies à Barcelone. Ah ouais. Parce qu'elle aussi a découvert ça. C'était marrant d'ailleurs. Elle avait 15-16 balais, elle me dit « Ah, j'ai découvert un groupe, tu connais, ça s'appelle les Pixies ». Je dis « Ouais, je connais, ouais ». Va voir les disques en bas, il y en a plein. Voilà, et du coup, ouais, c'est des... contrairement à certains groupes de hard rock que j'écoutais à l'époque et que j'écoute plus, typiquement Metallica par exemple, les Pixies, c'est un truc que j'ai toujours dans ma discothèque et que je réécoute encore avec plaisir. Quoi. J'allais dire, est-ce que c'est aussi cette espèce d'humour sous-jacent à la musique des Pixies qui explique le fait qu'on peut encore écouter ça 20 ans après, alors que certains morceaux un peu grandiloquents du métal, on ne peut plus. C'est exactement ça. T'as mis pile poil le doigt dessus. D'ailleurs, je ne vais pas pouvoir rajouter grand-chose. Mais c'est vrai, quoi, il y avait un côté trop sérieux, même folklore des fois quoi, dans ce milieu-là du métal. Hein. Je ne parle pas de Rage Against the Machine, mais de The Group. Quoi. Et là, ben voilà, ça ouvrait plein d'autres horizons musicaux. Quoi. On pouvait se permettre plein de choses. Quoi. Des choses que vous avez après introduites dans El Comunero, par exemple? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne me la suis jamais posée. Mais je me pencherai dessus, je te répondrai à la prochaine invitation. À la prochaine émission, on reposera la question de l'influence des Pixies dans le nouveau répertoire d'El Comunero. Vous avez 2 heures. Vous avez choisi, Tomás Jiménez, de finir votre liste avec cette Llorada de Llorana, de Liasa, chanteuse mexicaine, partir très tôt, trop tôt. Ouais. Elle avait quoi ? Elle avait à peine 30 ans lorsqu'elle est morte. Et surtout, alors, mexico-canadienne, ouais. Je ne sais pas comment on dit. Ou canado-mexicaine. Ouais, peu importe. Le choix de cette chanson, il y a plein de raisons. En fait. La première, c'est que je trouvais que ma liste manquait cruellement de voix féminine, alors qu'il y a plein de femmes quoi, que j'ai écoutées et tout. Et bizarrement, en la regardant, je me dis, mais merde, pourquoi il n'y a pas de femmes quoi, pourquoi il n'y a pas de chanteuses quoi. Et elle, ça fait partie de plein d'autres hein, que j'ai adorées. Et elle, il y a plein de raisons. Il y a sa voix, il y a la musicalité, il y a l'espagnol. Quoi. Y a l'espagnol. Et puis, à un moment donné de ma vie aussi, revenir à des musiques plus apaisées, sortir un peu de ce folklore... de folklore du métal, quoi, et puis m'ouvrir à plein d'autres musiques, quoi. Quand vous dites qu'il y a plein d'autres chanteuses que vous avez aimées, que vous avez écoutées, vous en citez 3-4 ? Alors, si on prend chronologiquement, moi, il y a une chanteuse que j'ai découvert et dont on parle pas assez, par exemple, c'est Anna Marley. Tu vois, Anna Marley, c'est l'autrice, compositrice, en fait, de tous les plus grands tubes de la résistance et qu'on lui a pas attribué, en plus. Donc là, il y a une forme d'injustice. C'est elle qui a écrit Le Chant des Partisans, c'est elle qui a écrit La Complainte du Partisan, reprise ensuite par Leonard Cohen, qui l'intitule The Partisan. Excusez-moi pour l'accent anglais. Voilà. Elle, par exemple, typiquement, non seulement par rapport à son rôle dans l'histoire, parce que voilà, quoi, chanteuse résistante, quoi, tu vois, donc ça m'a vachement parlé. Et puis quand je me suis aperçu qu'en fait, les chansons qu'on nous disait écrites par un tel ou un tel par Drouillon pour étaient le juste des traductions, parce qu'elle était d'origine russe hein, et qu'elle écrivait plutôt en russe au départ, étaient des traductions de ses textes. Je me suis dit, mais c'est une injustice, quoi, il y a quelque chose qui a été raté, quoi, là. Parce que même encore, hein, y a très peu de gens qui connaissent son existence, son histoire, hein, même si ça commence à sortir un peu plus, quoi. Et à part Anna Marley, d'autres... Ben, évidemment, et Anna Marley, évidemment, quoi, elle aussi. Ouais. Non seulement l'inventivité musicale, parce qu'elle est passée par plein de styles différents, hein, du rock au free jazz à la chanson, par plein de choses complètement riches, quoi. Et puis un propos politique hyper fort, des textes super bien écrits... Hein. Même un rapport au local, puisque je crois que c'est elle, hein, Décrocher la Lune à Verfeil, oui. Le festival, oui. Pendant longtemps. Là, c'est elle qui était, entre autres personnes, hein, à l'origine de ce festoche. Hein. Ouais, ouais. Donc, vous parliez d'elle, vous en citez deux ou trois autres qui ont pu vous influencer, vous faire poser des questions ? Ouais, alors là, tu me prends un peu à froid, il faut que j'y réfléchisse deux secondes. Bon, mais si vous voulez, ça fera l'objet d'une... Non, mais c'est vrai que vous le disiez, il y a peu de voix féminines. Il y a Mercedes Sosa, par exemple, il y en a d'autres, mais il faudrait que je me repenche dessus, ouais, effectivement, pour bien te répondre. Mais il y en a d'autres. C'est des choses aussi qui sont liées, j'allais dire, à l'hispanité. Les voix féminines, ouais. Que vous avez pu aimer. Ouais, ouais. Alors, pas Anna Marley, en l'occurrence, hein, mais oui, les deux que je viens de citer, c'est-à-dire Mercedes Sosa et Lassa, oui, c'est les deux qui ont matché. C'est à la fois la voix, ce qu'elles amènent d'émotion dans leur voix et le fait que ce soit hispanophone. Ouais. Dans votre parcours, donc, on l'aura compris, il y a trois groupes importants, Viracocha, L'Air de Rien et puis El Comunero. Ouais. Comment l'évolution se fait ? Vous partez de quelque chose de très rock pour arriver à quelque chose qui reste du rock mais qui tend aussi sur les musiques du monde et sur une approche plus folk de la musique. Comment se fait cette évolution-là ? On vieillit, mon pauvre ami. Et on vieillit tout ça, c'est sûr. Non, le passage à la chanson française, je l'ai expliqué tout à l'heure, là, de Viracocha à la chanson française, ça s'est fait purement parce qu'au moment de l'écriture, j'avais pas envie d'écrire des textes en autre chose qu'en français. Il y avait cette influence brassensienne, même si dans le premier album de L'Air de Rien, il y a une chanson en espagnol qui s'appelle Santa Bárbara et qui va me suivre, en fait, aussi dans El Comunero. Parce que cette chanson-là, j'aurais pu la mettre dans la liste. Hein. C'était une chanson qu'on chantait en famille, à la fin des repas de famille, et qui m'a vachement marqué aussi, qui m'a dont j'ai été imprégné vachement. Mais, et y qui avait... fait partir de ce répertoire de, ouais, de la guerre civile. Ouais. Mais il y avait cette envie d'écrire en français, pas avec la prétention de faire du Brassens, il est inégalable. Mais voilà, avec l'envie aussi de... Puis parce que j'aime jouer avec la langue, quoi. Et peut-être commencer à faire partager aussi des idées qui ouais, commençaient à être un peu claires dans la tête. Alors, je le faisais déjà dans Viracocha. J'écrivais déjà des textes politiques, mais personne n'écoutait, quoi. C'était pas l'essentiel. C'était plus visuel, etc. Il se passait plein de choses sur scène. Et c'était pas, en fait, ce que j'écrivais... Personne, je pense, même le mec qui le chantait, a jamais capté que je parlais de politique, quoi. Mais voilà, ouais, il y avait cette envie. On était à une période particulière, en plus, on était au moment de la sortie du premier album, on est juste avant les élections de 2002. Voilà, les fameuses élections qui vont au deuxième tour, Chirac contre Le Pen. Et il y a déjà un personnage un peu étrange, là, qui débarque et qu'on voit arriver et qui va faire parler de lui plus tard, qui s'appelle Sarkozy. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui me donnent envie de parler d'aujourd'hui, de maintenant, et puis de faire en français, quoi, pour que les gens comprennent enfin ce que je raconte, quoi. Et puis après, pour l'arrivée à El Comunero, en fait... C'est la mort de mon grand-père, moi, qui a été le déclencheur, parce qu'il y avait ces enregistrements dont j'ai parlé tout à l'heure, où, voilà, que vous où il racontait son histoire. Et j'avais envie de lui rendre hommage, et la meilleure façon de lui rendre hommage, je trouvais, c'était de mettre sur un même disque ces enregistrements de sa voix, mélangés à ces chants qu'on reprenait en famille, quoi. Et pendant un moment, les deux ont coexisté. L'air de rien, El Comunero ont eu, pendant peut-être 2 ans, il y a eu les deux groupes en même temps. Mais la vie a fait que chacun, après, dans l'air de rien, est parti dans d'autres projets. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui a envie d'explorer d'autres horizons, quoi. Et on s'est un peu disséminé sans vraiment splitter, vraiment, quoi. Et puis ça me manque. Le fait d'écrire en français et uniquement en français me manque. D'ailleurs, dans le nouvel album de Comunero, il y a des petites incursions en français, quoi. Ah oui, il y en a quand même quelques-unes. Ouais. Il y en a quelques-unes parce que j'ai pas le même rapport à ces deux langues, quoi. Et j'écris pas de la même façon. Mais c'est intéressant, je trouve. J'écris pas de la même façon en espagnol et en français. C'est-à-dire ? Eh bien, en français, je vais être beaucoup sur le jeu de mots, les choses comme ça, les doubles sens. Et en espagnol, j'essaie d'être un peu plus dans, sans prétention, d'être dans quelque chose d'un peu plus poétique. Et puis, on vous découvre écrivain. On parle d'écriture. On vous découvre récemment écrivain avec ce recueil de nouvelles que vous avez écrit avec votre sœur. Il y a votre fille aussi qui écrit une nouvelle. Mais c'est le relais. Mais c'est peut-être pas encore le moment. De toute façon, la retraite, on l'a compris, il y a des choses qui vont mal. C'est arrivé comment ça, ce besoin de dire je vais écrire, puisqu'il y a ce recueil de nouvelles, il y a aussi un livre dont vous nous avez déjà parlé il y a un an ou deux, un roman qui se passerait pendant la guerre civile. Il y a quand même cette idée un peu récurrente de maintenant je veux aussi coucher des choses sur du papier et longuement. C'est arrivé un peu par hasard en fait, en 2016. On me propose de participer à un recueil de nouvelles qui s'appelait Brigadiste et qui sortait pour l'anniversaire des Brigades internationales. Et avant qu'on me propose ça, en fait, j'ai jamais écrit autre chose que des chansons. Et je ne me crois pas capable d'écrire autre chose que des chansons, mais cet éditeur-là, et ce Patrick Amin, il faut le citer, c'est les éditions Caïman, me dit « Mais non, mais vas-y, écris une nouvelle, t'as de quoi, je lis ce que t'écris en chanson et tout, je pense que t'as les moyens d'écrire une nouvelle, quoi. » Et je me lance là-dedans un peu sans trop y croire. Et en fait, j'y prends un plaisir incroyable, quoi. C'est une vraie récréation. Récréation, recréation. Je peux me permettre d'aborder des choses différemment que dans une chanson qui est quand même un format... Un peu court. Avec des figures imposées, quoi. Voilà. La rime, la métrique, etc. Le refrain, voilà. Et là, je peux me permettre vraiment... Je me rends compte, quoi, que je peux vraiment laisser aller mon imaginaire. Et après, à partir de ce recueil de nouvelles sorti en 2016, tous les ans à peu près... Une autre maison d'édition qu'avait lu cette première nouvelle et tout me propose d'en écrire une deuxième. Et puis on me propose comme ça d'année en année de rentrer dans la nouvelle jusqu'à ce que j'en ai écrit 4, je crois. La dernière étant parue dans un recueil sur Brassens, tu vois, tout est lié. ma sœur en parallèle qui commence une carrière d'auteur puisqu'elle écrit des thrillers. Et qui, à un moment donné, me dit « Mais t'écris des nouvelles, j'écris des nouvelles, il faut qu'on fasse un bouquin ensemble, quoi. » Tout simplement. Et donc, c'est ce bouquin qui vient de sortir, ouais, aux éditions M+. Le roman, il en est où ? Le auquel. Eh bien, celui qui se passerait sur la guerre d'Espagne. Sur l'anarchie, plus précisément. Ouais. Sur l'anarchie. Vraiment, il y a cette approche-là. Parce que là aussi, à un moment donné, moi, cette famille communiste, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une part d'anarchiste dans cette famille-là, du côté de ma grand-mère, en fait. Elle, son père était militant CNT et tout. Et c'est des choses qu'elle n'avait pas forcément racontées. C'est le grand-père qui racontait les histoires. Et là, maintenant, je suis en train de la faire parler. Moi, je me sens, depuis le lycée, en fait, je me retrouvais pas dans cet idéal communiste. Il y avait des choses qui me plaisaient, hein, mais il y avait aussi des choses qui me dérangeaient fortement. Et j'ai un peu voulu faire ma voix. Je suis tombé dedans, en fait, par un bouquin acheté en première, je crois, de Kropotkine, La conquête du pain. Et j'ai découvert, en fait, cette philosophie politique, cette philosophie de vie, même, on pourrait dire. Et en fait, ce roman, il est vraiment axé sur l'anarchie et sur la rencontre de personnages historiques, une espèce de roman historique. Mmh. Il est fini, mais quand je le relis, je le trouve pas abouti. Ouais. Et ça fait 2-3 fois que je reviens dessus et que je me dis qu'il y a mieux à faire, quoi. Mmh. Donc j'attends un peu, en fait. Bon, ben on attendra avec vous. En attendant, je rappellerai simplement le 5e album d'El Comunero qui vient juste de sortir, Reyes et Semillas. On aura compris que le prochain album, ça ne sera pas El Comunero, mais l'anarchiste, avec les souvenirs de la grand-mère de Tomás Jiménez. Non, le nom ne changera pas, parce que pour moi, ce El Comunero, c'est beaucoup plus vaste que communiste. Hein. Ça ne veut pas dire ça. C'est autre chose. C'est cette histoire de... coexistence d'un communiste parmi des anarchistes, alors que ça paraît un truc impossible, quoi. Si tu dis aujourd'hui à un anarque que t'es communiste, il te regarde d'un drôle d'œil et vice versa. Et quoi. Vice versa. Alors qu'à l'époque, il y avait peut-être des ponts plus envisageables. En tout cas, merci beaucoup Tomás Jiménez d'avoir partagé cette heure avec nous. Merci à Thomas Delafosse d'avoir réalisé cette émission. Merci Thomas. Merci à Loïc Laporte d'avoir composé ce générique original et merci à vous de nous avoir écoutés. Aux influences hendrixiennes. Hein. Tout à fait. Et on se retrouve très très vite. Bye.